À l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, les meetings, les rendez-vous d'amitié, les conférences, les expositions de photos, de livres et d'objets d'artisanat et les séances de films ont eu lieu en Bulgarie, au Mexique, au Congo démocratique, au Népal, au Cambodge et en Thaïlande. Dans les salles de cérémonie étaient exposées les photos qui présentent les espoirs immortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un. Y étaient exhibées aussi les œuvres classiques des grands hommes Paektusan et les livres et photos qui montrent la Corée de Sun Gun et les objets d'artisanat traduisant l'intelligence et le talent du peuple coréen. Les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes y ont pris part. Aux séances de films, on a projeté les documentaires coréens comme « Célébration solennelle du 70e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée en présence du maréchal Kim Jong-un » et « Ma patrie victorieuse grâce à l'unité monolithique ».